Le colonel Chomba, fidèle de fidèle, Alexis Tinkungu, African Terim. Deo Mwamba, Mosombi Monene Mabanga Etalo, Wali Ingila, Roger Ndonga, les colonisateurs, Serge Louki, les bourgeois, Dieu occupe les futurs. Rivadelo Bimbo, Ike Banda Parisien, Théo Zambrota. Marie-Gisèle Nguessan, fille à papa. Éric Efouri, Alain Kikela. Barbine Mawila, côté Chagall. Bébé Senzongo, Océane Tadine, Poto. Kamam Fouamaye. Nana Lutula, Landry Bissidi, Bob Amiso, Ali Jabiri, Didier Matusila, Banyatinga na motema, Oasale lokote, Le bariton, Babenga Mayasi. Muchi wa mashibo akobi malokola tango konzenga lokola walo kongala lokola moyi kuji wa ludi ife malenga lisi balingi jeni ya komastri veka daps katapula Naina gobele la bolingo yo yanga ina yo Boza Italia, ozwa mote mananga Nakomyo kondo kondo, nakomyo sila nzoto Mame, mama, mama, mama O baba kaha Oye Mokubwa mayika munana Pai nina mosei ya jetu makochi Wadirale, son excellence, Timba Modelo, Mayasi, Mayasi. Écoutez ça, les lomo inesons de Bakoutani, vive la musique, ne mourra jamais. Aïe aïe, Benokenaku, Sonyan sotende bakomata Docteur Kingombe Bedi e ale Kipio sengombe Polengombe Interpole